dans la cour des grands, le sérieux et d'oubise. Malheureux celui qui ne pourrait pas y entrer, pour vivre avec son temps, arrêter de faire des bêtises. Malheureux celui qui lui continuerait. Je m'accroche à mon étoile et je m'évade un peu. Une petite lueur d'espoir quand les grands me quittent des yeux. En geste tendre et immobile, je redeviens l'être fragile que j'étais. Petite enfant, dans la cour des grands, pas de place au sourire. On préfère de loin les gens à l'expression figée. Boudant en s'avançant dans des rues devenues trop vides, on met l'allégresse et les rires de côté. Je m'accroche à mon étoile et je m'évade un peu. Une petite lueur d'espoir quand les grands me quittent des yeux. En geste tendre et immobile, je redeviens l'être fragile que j'étais. Petit enfant, dans la cour des grands s'effacent les poèmes, les illusions d'antan ne sont plus les mêmes. Dans la cour des grands mes rêveries s'envolent. Quand mis au lent que j'ose mordre la pomme, je m'accroche à mon étoile et je m'évade un peu. Une petite lueur d'espoir quand les grands me quittent des yeux. En geste tendre et immobile, je redeviens l'être fragile que j'étais. Petit enfant, petit enfant, petit enfant.